Après 10 ans passés sur les bancs du lycée pour obtenir mon bac, j'étais encore motivé, acharné, je suis entré à la fac. Fini l'époque Big Mac avec quelques packs qu'on vidait dans les parcs. Classeur en vrac dans mon sac, moi je suis parti à l'attaque. Bon, j'avais le choix dans les matières économie, histoire géo, langues étrangères. Mais moi ce qui me branchait le plus, c'était l'univers littéraire. Alors le prof est arrivé, dans son joli blazer vert. Il avait des airs de Baudelaire, il a commencé son séminaire. Les figures de style ont une importance majeure dans la structure littéraire des phénomènes mineurs. La métaphore du divers des structures mythologiques sont en symbiose dans les œuvres à caractère éthique. Attendez, les classèmes sont des lexèmes en lexicologie. En quoi ? L'argumentaire du contrat didactique est au profit d'un renouveau du travail binaire. Je pense que là, mes chers, tout est clair. Monsieur, j'ai une question. Non ? Bon, très bien. Poursuivons. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Tu peux pas me le dessiner ? Ou peut-être me l'écrire ? J'ai vraiment rien capté. Toute une année à m'accrocher, à essayer de décrypter ce que ces profs mal payés me disaient. J'ai abandonné l'université pour gagner la liberté de prendre le trombone. Il y avait une publicité qui incite à s'évader, à consommer, s'endetter et être ainsi pieds et poings liés pendant des années, à devoir travailler pour payer mon loyer, l'électricité, la redevance télé, l'assurance de mon audité, sans oublier mon banquier. Alors j'ai cherché une société qui voulait bien m'engager. J'ai été embauché et c'est Roger qui m'a coaché. Et là il m'a tout expliqué. Ce qu'il faut, c'est relooker le front-end du back-office pour vraiment, tu vois, visibiliser le service. On va ainsi pouvoir parvenir à une réussite technique et commerciale pour inquiéter le leader mondial. Parce que tant que nos fondamentaux seront bons, notre marge opérationnelle est assurée. Et puis ça, c'est pas du bidon. Bah on va donner des couleurs aux indices, percer le marché, mettre la gomme pour avoir un chiffre d'affaires maximum. Des questions ? Oui, peut-être une, parce qu'en calculons. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux pas l'optimiser ? Ou peut-être le traduire pour que ce soit français ? Non, t'en fais pas. Je suis comme toi. Ouais, moi aussi, ouais. C'est Roger, il est comme ça, c'est le marché qui lui fait ce que faut. Ouais, c'est le marché. Mais tu verras, crois-moi. Ouais, crois-le, va. En effet, je m'y suis fait passer des années dans cette société, à ingurgiter des données, à taper sur mon clavier, à jargonner en franglais comme un perroquet, à répéter, imiter, formater, calculer comme un robot bien huilé. Mais je voulais y arriver. J'ai gravi les échelons, fait de la lèche à ses cons, écrasé les moins bons sans aucune compassion. J'en ai bouffé de la réunion pour obtenir des pistons, augmenter mes connexions pour gagner plus de pognon. J'ai trouvé le bon filon pour devenir le patron. À présent j'ai l'argent, c'est moi le président, je suis indépendant, y'a plus personne devant, non, pour me rentrer dans les dents. Plus besoin de faire semblant devant ces gens, ces mal comprenants qui s'écoutent en parlant. C'est vraiment déprimant. Mais maintenant c'est moi qui déblatère ce vocabulaire austère. Je parle de développer notre chiffre d'affaires sur la terre entière. Quitte à faire taire ces secrétaires qui me demandent plus de salaire. Moi, j'ai des actionnaires à satisfaire. Excusez-moi. Oui. Je comprends pas. T'es nouveau toi, ça se voit. Tu restes pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne vais pas me répéter, ni même me traduire. Vous voilà bien baisés. Baiser, nous voilà baisés. Baiser, nous voilà baisés. Baiser, nous voilà baisés. Baiser, nous voilà baisés. Baiser, nous voilà baisés. Baiser, nous voilà baisés.